Bienvenue à cette conférence du vendredi, ayant pour titre faire en sorte que l'émotion ne nous nuise plus. Comment faire en sorte que l'émotion ne nous nuise plus? Est-ce que ça nuit l'émotion? Avec un titre de même, on pense que oui, mais comment ça nuit l'émotion? Ça nuit, ça vieillit, ça tue, ça rend malade, ça détruit, ça coupe. Ça crée les guerres, ça crée les faillites, ça crée les disputes, ça crée les chicanes, ça crée les meurtres, ça crée les mariages. Les divorces. Non, ça c'est le mariage qui crée le divorce. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, l'émotion, c'est ce que ça fait. Bon, ça permet aussi de maintenir l'humain dans une illusion, ça permet de conserver à l'homme sa conscience obscurcie, ça nourrit la médiocratie. Ça permet de nourrir l'idée du libre-arbitre. Ça fait vendre, évidemment, ça stimule l'économie. Ça oblige l'humain à perdre énormément de temps, énormément d'énergie dans le support de son émotion. Ça empêche l'humain d'avancer vers le neuf parce que ça crée la nostalgie. Ça fait rétrograder les individus rendus à un certain âge. Au lieu de continuer à avancer vers le futur, ils commencent à vivre et à vieillir vers le passé. Bref, l'émotion, oui, ça nuit effectivement un peu. Ça nuit pas l'amour, c'est un sentiment émotionnel. Ben, l'amour philosophique, c'est de la philosophie. L'amour pratique, c'est encore une fois de l'émotion. Ça fait partie des principes de destruction de l'homme. Et philosophiquement, l'amour, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est génial, on devrait tous aimer l'amour, philosophiquement. Maintenant, pratiquement, c'est inapplicable dans le contexte planétaire parce que l'humain a trop d'émotions, c'est inapplicable chez l'homme, chez la femme ou chez l'enfant, parce que les individus ont trop d'émotions. C'est totalement inapplicable uniquement parce que l'être humain n'a aucune idée de ce que c'est que l'amour et l'humain applique le mot amour au facteur émotif. Et comme l'être humain vénère tout ce qui est émotif, que ce soit un bon film, c'est bon pourquoi? Parce qu'émotivement, tu bouges. Un film d'horreur, c'est parce qu'émotivement, on t'accroche. Aller jouer dans des parcs d'attractions, c'est parce qu'émotivement, on te promène. Alors effectivement, il y en a qui font du saut en parachute pour les émotions, il y en a qui vont faire deltaplane pour les émotions, il y en a qui pilotent les avions, il y en a qui pilotent les chars de course, il y en a qui font d'équitation, il y en a qui font juste marcher sur la rue. Il y en a qui se droguent uniquement pour l'émotion d'approcher la mort en espérant ne pas mourir. C'est ça. Est-ce que ça a une utilité aussi qui serait pas désastreuse? Est-ce que ça sert à quelque chose dans l'évolution d'avoir de l'émotion? Si ça existe, ça... Dans l'évolution, pas tellement. Dans l'involution, oui. Ben, l'involution, ça fait partie du principe d'évolution. C'est évident que l'émotion, comme l'amour, ça a une utilité. Je parle de l'amour appliqué. Je ne parle pas de l'amour philosophique, on va en parler de l'amour. De l'amour réel, un amour qui n'aime pas, la semaine prochaine. Mais ça a une utilité. Première utilité, c'est de faire en sorte que l'être humain n'évolue pas trop vite. Deuxième utilité, c'est de faire en sorte que l'humain n'évolue pas trop vite. La troisième? Troisième, de faire en sorte que l'humain n'évolue pas trop vite. Ça, c'est la seule utilité de l'émotion. Comment ça fonctionne mécaniquement, l'émotion, dans quelle partie de l'être humain? Ben, premièrement, il faut bien comprendre que quand un être humain est capable d'aimer, cela n'a rien à voir avec être capable d'avoir des émotions. Même si, traditionnellement, les deux sont intimement liés. Et c'est comme si on veut absolument souder le fait que quand tu aimes quelqu'un, disons un homme ou une femme, nécessairement, tu auras le goût de faire l'amour avec, d'avoir une relation sexuelle. Bon, c'est intimement lié. Ça fait partie du principe qui régit l'animal. Bon, l'animal humain aussi. La plus haute expression de communication chez l'animal, c'est la relation sexuelle. La plus basse expression de communication chez l'être humain, c'est la relation sexuelle. Mais dans nos sociétés, on privilégie encore les mémoires du passé, donc les principes de l'animal humain, puis on privilégie la relation sexuelle bien souvent. Émotivité, amour réel, c'est intimement lié, ce qui fait que l'humain n'a pas de vision réelle. La femme, elle s'approche de la vie de cette vision. L'homme, difficilement, c'est évident qu'il y a des exceptions. S'approche de la vision et non pas de l'application. Bon. Alors, lorsque je parle d'émotivité, lorsque je parle d'émotion, on va se rendre compte qu'effectivement, je vais même expliquer pourquoi l'émotion, ça tue, ça rend malade, ça fait vieillir, et puis ce n'est qu'un phénomène de destruction. Parce que l'émotion a comme fondement, l'émotion, c'est exactement comme si on avait affaire à des cuirassés, à des destroyers d'une armée ennemie, qui sont à quelques encablures au large, et ils pilonnent sans arrêt avec des obus notre mur de protection sur la côte. Et là, on se pose la question, quelle est la raison d'être de ce pilonnage des destroyers ennemis depuis 25 ans? Ils n'envahissent pas, ils s'en vont pas, ils n'avancent pas, ils tirent des obus, puis démolissent la place. Ben, ça fait quoi? Ça fait comme les tremblements de terre. À quoi ça sert de bâtir sur un territoire où, à un moment donné, un tremblement de terre va toucher à terre? Ben, ça sert. Ça sert à renforcer nos défenses. Ça sert à créer des maisons plus solides. Ça sert à... voilà. Ça sert à ce genre de choses. C'est comme de dire, à quoi ça sert à l'humain d'aller vivre dans des régions nordiques, des régions froides? Ben, il se trouve que les civilisations les plus avancées technologiquement sont les civilisations qui vivent dans le froid. Alors, si on regarde, juste pour faire un bon parallèle, les États-Unis d'Amérique, ben, le nord, c'est là que tout se fait au niveau des découvertes. Le sud, c'est là que se vit l'émotivité, c'est là que se vit la spiritualité, mais c'est aussi là que les gens flânent et dorment. Alors, si on a des climatiseurs en Floride, ils ont été construits dès le début par des compagnies nordiques. Par la suite, ils vont descendre et ils vont s'installer des filiales dans le sud. La majorité des structures des grandes villes, on regarde New York. Los Angeles, c'est uniquement pour l'émotivité, la spiritualité, le cinéma. Mais si on regarde les grandes villes américaines, ils font partie du Nord. Si on regarde les pays qui fonctionnent énormément, si on prend l'exemple de l'Amérique centrale, on oublie ça. L'Amérique du Sud, ben, l'Équateur, c'est en Amérique du Sud, mais c'est totalement... c'est pas au Sud, il fait pas froid. Hein, c'est dans le Nord. C'est donc dans le nord de l'Antarctique, c'est en plein milieu de l'équateur, il fait chaud. Plus il fait chaud, plus on dirait, plus on est dans un climat intéressant, il fait beau, etc., on devrait y aller. C'est pourquoi on prend nos vacances dans des pays comme ça. Mais remarquez que ces pays-là, c'est génial pour visiter, pas pour rester. Alors on peut se poser la question, à quoi sert le meurtrissement du froid? Ben, ça oblige l'humain à travailler, à se bâtir des maisons plus solides, qui résistent finalement au tremblement de terre. Ça oblige l'humain à constamment devoir travailler. Alors, on peut considérer qu'effectivement, le froid qui peut te tuer, qui tue les récoltes, qui t'oblige à avoir des greniers, qui fait que tout est à recommencer sans cesse, ce que tu n'as pas dans d'autres pays où on peut cultiver 3-4 récoltes par année, où les maisons n'ont pas besoin d'être solides, l'économie, on devrait être plus riche dans ces pays-là, on est plus pauvre. Ça coûte moins cher d'avoir une maison, il n'y a pas besoin d'autant d'isolant, on est plus pauvre. Alors, ces meurtrissures-là obligent l'humain, parce que l'humain n'évolue que s'il est sur la corde raide. L'humain n'évolue que s'il est tout près de tomber. Alors, ça l'oblige à évoluer, donc à travailler. L'émotivité, c'est la même chose. Ça détruit. C'est un facteur qui est privilégié chez l'homme. Toutes les religions vantent les mérites de l'émotion et de l'amour émotif. Tous les concepts ésotériques font la même chose. Tous les systèmes psychologiques font la même chose. Les systèmes pédagogiques, les systèmes moraux, tout ça est basé sur l'idée de l'émotivité. À un point tel que, on va vous vendre du beurre de peanut uniquement basé sur l'émotivité. Bon, on va vous vendre une automobile basée sur l'émotivité. Le nom de l'automobile doit être choisi en fonction de... Quand on a décidé de faire la Pinto, c'est parce qu'on savait qu'il y a des gens qui avaient une rétroactivité, on voulait s'acheter un cheval. Bon. La Pony, c'est la même chose. On a essayé d'embarquer dessus, mais un Pony, c'est jamais comme un Pinto. Mais un Pinto, c'est un bon cheval de selle. Un Pony, c'est pour les enfants. Bon. Mais on essaie toujours d'aller chercher quelque chose. Thunderbird, un oiseau de feu, bon, ben, c'est la même chose. Tout est basé sur l'émotivité, tout de A à Z, à un point tel que même l'esthétique va être basée sur l'émotivité au lieu d'être basée sur le sentiment. Et tout cela uniquement parce que l'être humain est totalement gavé d'émotivité, d'émotion, depuis qu'il est sous le contexte planétaire, donc depuis ses phases d'effusion, donc depuis son évolution, ce que l'antique religion appelle la chute, mais ce n'était pas une chute, on est arrivé en parachute. Bon. L'émotivité, elle a une fonction, c'est qu'elle force l'être humain à souffrir. Forçant l'être humain à souffrir, l'intelligence qui existe chez l'être humain, l'homme, la femme et l'enfant, il n'y a pas de sexe dans l'intelligence, il n'y a de sexe que dans l'émotion, l'intelligence qui habite ces corps, confrontée continuellement à vivre de l'absurdité, donc une souffrance basée sur les facteurs émotifs, ben, ça arrange pour descendre plus profondément dans le corps physique de l'homme, de la femme et de l'enfant, dans sa conscience neuronique et pour finalement inventer le corps mental, pour prendre le contrôle du système endocrinien, qui est la voie par laquelle s'exprime l'émotivité. Donc, ça a un intérêt marqué, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui oblige l'humain à avancer vers une conscience, et c'est ce qui oblige la conscience à se rapprocher de l'homme, de la femme, de l'enfant. Est-ce qu'il faut s'en défaire de l'émotivité ou l'utiliser? Ben alors, on doit l'utiliser, puis par la suite, on doit s'en défaire. C'est-à-dire que l'utilisant, on va s'en défaire. Tandis que si elle nous utilise, elle se défait de nous à un moment donné. Qu'est-ce qui cause? Bon, on fait juste prendre, nomme-moi un problème familial, scolaire, social, planétaire, cosmique, divin. Nomme-moi un problème. Un problème comme ça, là? Un problème, une faillite financière. Bon. Qu'est-ce qui crée tant de problèmes dans une faillite financière? L'émotion. Ben oui, c'est moi qui réponds. Je présumais ta réponse. Oui, d'accord, c'est parce que j'aimerais qu'on dissèque. Pourquoi dans une faillite, c'est l'émotion le problème? Fait que quelqu'un disait, c'est pas l'émotion, c'est parce qu'il manque d'argent. Qu'est-ce que tu en as à faire qui manque d'argent? Ah oui, mais ça n'a pas d'allure. C'est ça. Il suffit de l'émotion chez toi. Regarde ce qui se passe chez toi, c'est inquiétant. Parce qu'à un moment donné, vous avez rencontré un homme ou une fille, puis plus tard, elle vous a sacré là. Et c'est le drame total. On peut pas, on vient pour lui, on vient pour elle. Puis deux ans après, sinon deux jours après, fini. À un moment donné, quand tu es très, très, très jeune, tu as une bicyclette, tu te la fais voler, c'est le drame total, c'est le drame total, c'est la faillite. À un moment donné, les parents ont un enfant, l'enfant fait un vol, elle est à l'âge, la police l'arrête, et là, c'est encore un gros problème. On a un maudit problème, c'est bras. On a juste de l'émotion. Parce que deux ans après, l'enfant est réhabilité, ou bien non, il est en prison, puis les parents, ils sont adaptés. Les problèmes sont de l'émotivité. Et c'est ce qui fait que l'humain ne peut pas vivre la valeur réelle de sa vie parce qu'il est toujours en train de vivre la valeur émotive de la perception de sa vie. Ça veut dire que l'humain n'est pas capable de vivre. Il est toujours en train d'émotiviser la vie. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'émotion et la mémoire? Parce que ce que tu dis là, c'est que... Pas de mémoire, pas d'émotion. Après qu'on l'oublie, après que le temps passe, c'est moins pire. Le temps arrange les choses. C'est les émotifs qui ont dit ça, les philosophes de l'émotion, les philosophes de l'amour, ont rajouté loin des yeux, loin du cœur. Mais c'est la même chose. Est-ce qu'il y a aussi un rapport entre ce qu'on anticipe et puis ce qu'on vit réellement? C'est-à-dire, si on mémorise qu'est-ce qui peut arriver dans le futur, qui va nous rendre émotifs? Bah, ça oui, c'est parce que ce n'est même pas ce qui va nous arriver dans le futur qui nous rend émotifs, c'est... C'est l'actualisation du futur. C'est le fait qu'on y pense immédiatement, puis on est déjà en train de vivre à l'intérieur ou émotivement quelque chose qui peut nous arriver dans le futur. Quand la personne regarde son billet de loterie, puis qu'on approche des derniers chiffres, ben, elle vit émotivement. Parce qu'elle vit émotivement, elle pense, oui, mais c'est parce que je m'attendais à perdre ou je m'attendais à gagner. Ça, c'est un leurre, c'est une farce. On est en train de te détruire. Quand tu dis à une personne, bon, je dis à n'importe quel humain sur la planète, de faire attention à ne pas trop avoir d'émotions parce que c'est ce qui le détruit, c'est ce qui le fait vieillir, puis c'est ce qui le rend, en tout cas, bon, on appelle ça vieillard. Les personnes me disent, voyons donc, il y a quand même des bonnes émotions. Prends une personne cardiaque, fais vivre une bonne émotion, c'est pas tué. Ah oui, mais là, c'est pas pareil, c'est ça. Le cœur est pas assez plus fort pour supporter une bonne émotion. C'est ce que je te dis. L'émotion agresse directement le corps physique, et peut tuer le corps physique. Mais est-ce qu'il y a réellement des bonnes et des mauvaises émotions, ou c'est une émotion sur une émotion? Non, pour l'humain se rend compte que l'émotivité le mine, omnibule sa conscience, le détruit, le rend malade, le stresse. Mais l'humain est tellement programmé à considérer que l'émotion est la chose dans la vie, qu'il finit par dire, on ne peut pas abandonner toutes nos émotions. Donc, il y a des bonnes émotions quand même. Si la bonne émotion est celle qui te détruit sans que tu t'en rendes trop compte. C'est la bonne émotion. Ça te détruit en souriant, c'est moins pire. Bon, c'est même, en souriant encore là. C'est comme de dire, toutes les bières, toutes les bières, c'est pas mauvais pour la santé. Telle bière, oui, pourquoi? L'emballage est bleu. Telle bière, oui, pourquoi? À cause du nom. Mais mes bières-là que j'aime tant, elles ne dérangent pas. Puis rendu à un moment donné, on va te suggérer dans ta pathologie, quand tu es suffisamment malade ou suffisamment vieilli, même cette bière-là, faudrait que tu fasses attention. Bon. Si on enlève l'émotion, est-ce qu'on enlève le bonheur? Ben, c'est évident. Si on enlève le malheur aussi? C'est intimement lié. Et c'est ce que l'humain n'a pas compris. Ça va être plate à maudit. Pas plate, non. Pas de bonheur, pas de malheur. Ça donne quoi? Émotivement, ça va être plate. C'est exactement comme si on considère qu'on ne peut pas vivre sans la boisson. Ben, on ne peut pas vivre sans l'émotion. On ne peut pas vivre sans sécrétion endocrinienne amenée par la lutte continuelle entre l'ego, l'âme et le monde extérieur, avec l'émotion. Mais on est totalement à côté de la traque. C'est comme de dire que, oui, mais ça ne vaut même plus la peine d'aimer quelqu'un si je ne peux même pas être jaloux. Bon, je ne peux même plus aimer quelqu'un, la personne décide de s'en aller, puis je la laisse partir. Tu sais, je ne souffre même pas, je ne saute pas dessus. Je n'essaie pas de l'acheter, je ne la manipule pas, je ne la bats même pas. Je la laisse s'en aller, puis je n'en souffre pas. Regarde, quel genre de maudite vie plate je vais vivre. Ben oui. Les militaires se disent la même chose. Les militaires ne peuvent pas concevoir une vie avec la paix partout sur la planète. On devra peut-être, envisager une guerre avec Mars. On devra trouver quelque chose. Entrer en guerre contre les insectes, puis essayer de les tuer à coups d'M16. Il va falloir qu'il se passe. Il n'y a pas un militaire convenable qui peut envisager la vie sans la guerre. On vit comment sans émotion? On vit. C'est pas on vit comment. Présentement, émotivement, tu meurs. Tu meurs émotivement. Tu vis pas. Alors, on cesse de mourir. Mais on sait qu'on vit en tant qu'ego. On sait qu'on vit quand on a des émotions. Non, on sait qu'on sait qu'on vit. Comment tu dis ça? On sait qu'on vit. OK. L'animal, il sait qu'il peut faire un nid. L'homme, il sait qu'il sait qu'il peut faire une maison. Une nuance, il y a une conscience. L'ego, c'est ça. L'ego, tout ce qu'il sait, c'est qu'il sait qu'il sait qu'il vit. Il se découvre par l'émotivité, par l'émotion. Mais on n'a rien à foutre, il continue à vivre, même s'il ne le sait pas. Mais s'il n'y a plus d'émotion, il ne sait plus qu'il vit. Parfait. Maintenant qu'il ne sait plus qu'il vit, on va commencer par pouvoir vivre. On va avoir la paix. Quand les premières fois, vous vous en rappelez possiblement pas, les premières fois que vous avez commencé à marcher, on est déjà gavé de l'émotivité de nos parents. Parce que la mère, ce n'est pas sa faute, mais c'est biologiquement comme cela, par le fait qu'on est lorsqu'on est dans l'utérus, on est nourri par son sang. Chaque fois que l'être humain vit une émotion, il sécrète des hormones. Et la mère, évidemment, nous nourrissant par son sang, nous envoie déjà une lecture émotive au niveau du corps. Alors, on vient au monde déjà gavé un peu de l'émotivité des parents et surtout de la mère. Mais à 3, 4, 5 ans, les premières fois qu'on se promène dehors, on lui met sur le balcon, là, on lui met dans le gazon pour la première fois. Vous touchez, avec le corps physique, l'herbe. C'est piquant. Sur la peau de bébé, c'est piquant. C'est froid, c'est humide un peu. Peut-être que vous aimez physiquement, peut-être que vous n'aimez pas physiquement. Mais il n'y a pas d'émotion là. Mais si t'aimes ou t'aimes pas, c'est une émotion? Non. C'est quoi? Le problème, évidemment, c'est que le mot amour est galvaudé à toutes les sauces. Alors, disons que tu perçois, et ce que tu perçois, tu apprécies ou tu n'apprécies pas. Ne pas mettre le mot aimer, parce qu'effectivement, le mot aimer est tellement compliqué. C'est j'aime un enfant, puis je fais l'amour avec ma femme. Donc, si j'aime l'enfant, le faire l'amour, amour, c'est pareil, donc j'aime un enfant sexuel, c'est des mots. J'aime mon automobile, donc je couche dedans. Bon. Paris, il m'est déjà arrivé, ça j'aime. Bon choix. J'aimais pas assez l'hôtel. On va remplacer ça par apprécier. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que L'enfant ne vit pas d'émotion là. Il apprend à vivre de l'émotion. L'émotion première qu'il va vivre, c'est quand il ne reconnaît pas sa mère. Hein? Quelqu'un vient pour le garder, puis la personne le prend. Et là, l'enfant se met à pleurer, c'est une émotion. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est déjà en train d'apprendre ce que c'est qu'aimer, émotivement. Il aime sa mère émotivement, donc nécessairement, il souffrira d'aimer sa mère émotivement. Quand sa mère n'est pas là, ça vaut même plus la peine de vivre. C'est l'enfer total. C'est là chez l'enfant dès la naissance? Chez l'enfant dès la naissance, c'est là physiquement, donc c'est là génétiquement, c'est là endocrinalement et neuroniquement. C'est là aussi par la constitution même de la psychologie humaine, donc par la constitution de l'âme, de l'ego. Mais chez l'être humain, il y a autre chose. L'humain n'est pas que de la mémoire, l'humain n'est pas que des désirs, l'humain n'est pas que de l'émotion, l'humain n'est même pas cela. L'humain n'est pas un corps physique, mais il s'exprime dans un corps physique. L'humain est de l'intelligence. Et l'intelligence chez l'homme, chez la femme et chez l'enfant, c'est ce qui fait que l'humain est toujours en train de se remettre en question. C'est ce qui fait que l'humain est toujours en train de se dire « Merde, je le savais, pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est parce que l'émotion t'a dominé. C'est pour ça que tu ne l'as pas fait. L'humain, c'est celui qui est en train d'écouter une partie de hockey. Là, pendant ce temps-là, le corps physique sécrète, le cœur accélère, il transpire. À chaque entrée, il prend sa douche parce qu'il a eu trop chaud. Et puis là, ça, c'est l'émotion. L'émotion, le corps vit tout ça au complet. Puis subitement, l'humain est là en train de crier dans le salon parce que la rondelle a frappé le poteau. En train d'engueuler le joueur ou le gars qui a mis les buts, qui aurait pu le mettre un peu à côté, engueuler Dieu, engueuler tout ça. Puis subitement, il y a une petite affaire qui apparaît. Je chauffe peut-être plus fort, peut-être que je dérange les voisins. Puis peut-être qu'en plus, c'est une niaiseux, c'est totalement con. Puis là, la personne qui est en train de découvrir ça subitement, là, qu'elle était comme dans un Saint-Jean-Cage en train de sauter devant une banane, ça, c'est l'humain. Ça, c'est l'homme, ça, c'est la femme, ça, c'est l'enfant, ça, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui, à un moment donné, te fait découvrir que tout ce que tu es en train de faire là, c'est animal, c'est programmatif, c'est programmé, c'est manipulé, c'est idiot, ça n'a pas de sens réel, ça ne mène nulle part, tu es en train d'user ton corps physique. Puis bien souvent, tu as une bière dans une main, un café dans l'autre, puis un chip dans le troisième. Cigarette dans la bouche. L'humain, ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de la guerre, ce n'est pas de la violence. Quand l'humain dit on doit apprendre à contrôler nos émotions, mais si on doit apprendre à contrôler nos émotions, c'est que nous ne sommes pas l'émotion. Je ne peux pas, moi, apprendre à contrôler ma main si ma main n'est pas moi. Si j'ai appris à contrôler ma main, c'est que je me sers de la main, et la main n'est pas moi. Alors, si ma main renverse quelque chose, je ne peux pas me sentir coupable, vexer mon cerveau, crier après mon pied, parce que la main a renversé quelque chose. Pourquoi? Parce que, neuroniquement, je ne contrôle pas suffisamment bien la mienne. C'est comme punir un enfant parce qu'il peint, parce qu'il dessine mal. Tu devrais te forcer! Prête-moi ton corps! Qui m'a été un virtuose. Mais en attendant, quand je décide de tasser à gauche, ça tasse à gauche, mais c'est à droite, c'est pas là où je voulais aller. Puis là, ça s'en va comme ça, etc. Il y a moyen d'apprendre à contrôler le corps, mais l'humain, lui, est toujours constitué, et puis même socialement, pédagogiquement, l'idée reste là, l'humain est apparemment constitué uniquement en fonction de facteurs émotifs. Je suis mes émotions, je dois vivre mes émotions. Mais dans ce que tu disais tantôt, comme tu sais, le goût de casser la gueule à quelqu'un, ben te casser la gueule. Il faut que tu vives tes émotions. Dans une société saine, c'est comme ça. Tout bon militaire va te le dire. Il est temps qu'on fasse une guerre. Comme tu disais tantôt, quand on regarde la télévision, le faisceau d'intelligence qui descend puis qui te fait rendre compte que c'est con ce que tu es en train de faire, ça s'exprime pas nécessairement souvent dans une journée où il y a l'intelligence qui prend le contrôle pour quelques c'est secondes ou quelques minutes. Comment on fait, à partir de ce petit flash-là, que j'appelle, comment on fait pour contrôler les émotions? Parce que c'est lui qui doit contrôler l'émotion. C'est-à-dire que contrôler l'émotion, la première chose, c'est que l'être humain doit parvenir à se diviser de ses émotions. Bref, à faire une séparation marquée entre ce qu'il est lui et ce qui s'exprime en copie de lui. Quand vous rencontrez ou quand vous vivez un événement extraordinaire, il n'y a pas d'émotion là-dedans. À l'instant où on commence à vivre de l'émotion, c'est lorsque l'on prend conscience psychologiquement que l'on est heureux, c'est-à-dire qu'en réalité, que l'on est bien. Il y a des exercices que je fais faire de temps en temps à des séminaristes. L'exercice les amène à un point où on peut leur poser la question après l'exercice. As-tu eu froid? Non. As-tu eu chaud? Non plus. Bon. As-tu pensé à demain? Non. Te rappelais-tu de là 5 minutes? Non. Étais-tu stressé? Non. Est-ce que tu avais peur? Non. Es-tu heureux ou heureuse? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais me dire? Ben, j'étais bien, mais c'est pas vrai. Mais j'étais pas mal. Il était quoi? Voilà. Il était au-dessus de tous les mots humains pour définir cette condition. Alors, quand l'humain essaie de trouver, c'est pas ça. Étais-tu heureux, heureuse? Non. J'étais instantané. J'étais là. Mais le « j'étais là », ça n'a pas de puissance pour quelqu'un des motifs. Quelqu'un des motifs, il est là seulement s'il le sait qu'il est là. Et c'est le problème de l'ego tout à l'heure. Oui, mais si on vit sans émotion, c'est ça. L'ego ne pourra pas savoir qu'il est là parce que tout va bien. C'est comme je dis, tu joues avec ton gars, vous avez du plaisir. Lui, il ne sait pas, puis toi non plus. Puis à un moment donné, tu prends conscience que c'est plaisant, puis c'est pas long que tu n'auras plus le goût de jouer. Ça va le goût d'en parler, que c'est plaisant. Ça va le goût d'émotiviser la chose, de nostalgiser sur la chose. De t'en rappeler. Oui, de rêver que, tu sais, on est bien ensemble, tu sais, puis j'aimerais ça plus tard si on pourrait... Hey, le cave, tu es en train de faire ce que plus tard tu veux rêver. C'est ça. Plus tard. C'est très bien, tu sais, tu es tellement bien avec que tu veux... Déjà, là, si on pourrait toujours être ensemble. Mais pendant ce temps-là, tu n'es plus là. Mais tu es en train de vivre de l'émotion. Quand on est là, comme tu le dis, est-ce que pendant cette... Si on était capable de rester là tout le temps, on ne vieillirait pas? C'est évident. C'est pas évident pour celui qui vit de l'émotion. Mais c'est évident. J'ai déjà expliqué... Ça enlèverait tout ce que tu disais tantôt, là. Les maladies, le stress... Ben, ça enlèverait évidemment la majorité de ces phénomènes. Tu sais, on parle, par exemple, oui, mais une maladie virale. Prenons la grippe. Oh, ben, la grippe, t'attrapes quand même ça de quelque part. Oui. Les êtres fatigués, t'attrapes ça tout de suite. Les êtres stressés, tout de suite, etc. Mais élimine ça au complet, il n'y avait aucun problème. La majorité des maladies, à part les maladies transmises de soir, évidemment, les MTS... Oui, ça aussi, c'est émotif. Eh oui, effectivement, parce que c'est émotivement que tu couches avec n'importe qui. Même la personne avec qui tu restes, c'est n'importe qui, parce que quand tu couches avec, ce n'est même pas une question d'amour véritable. Plus souvent qu'autrement, c'est une question d'amour émotif. On doit entretenir, il faut entretenir l'amour. Voyons donc. Ça vaut pas la peine d'entretenir quelque chose qui ne veut pas tenir. Mais c'est de l'émotion. C'est comme, par exemple... Est-ce que tu peux vivre une vie de couple, et une relation père-fils ou mère-fille, ou ce que tu voudras, parent-enfant, sans émotion? Ben oui. Ça se vit comment? Ben, mauditement mieux. Donne-moi un exemple. Il y en a-tu, premièrement, qui vivent ça? De temps en temps, on peut compter quelques secondes par année, probablement, où certains adultes, enfants, parviennent à vivre ce genre de relation. Donc, actuellement, c'est pas la masse là, qui vit comme ça? Non, c'est pas la masse. Okay. Non, pour l'ego, c'est la masse. Puis dans, quand je reprends le même exemple, un exemple, par exemple, de parents-enfants qui vivraient ce sentiment-là, comme tu disais tantôt, les deux parents-enfants qui sont en train de jouer puis qui sont heureux là, pourquoi ils ne sont pas capables de le conserver, ça? Pourquoi ils commencent à mémoriser puis à émotiviser Pour la simple raison que l'ego perçoit une vibration sentimentique, donc un sentiment dans les deux individus, non pas au niveau physique, mais au niveau de l'énergie vitale, et ça se sent par quelque chose au niveau du corps, un bien-être qui fait que s'il fait froid, tu ne sens pas le froid, s'il fait chaud, tu ne sens pas la chaleur, et tout est parfait. Puis si l'humain pourrait maintenir son état suffisamment longtemps, il n'aurait même pas froid. Et présentement, il est dans un état où il ne le sent plus. C'est déjà un début. Il ne le sent plus. Prenez les enfants qui rentrent. Ils ont eu tellement de plaisir dehors. Ils rentrent l'hiver. Ils sont gelés. Mais ils ne le savent absolument pas. L'enfant émotivise, devient sentimentique, émotif. Sentimentique, donc il vit, il meurt. Il vit, il meurt. Il vit, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il est bâti comme l'être humain normal. Il est bâti avec un système endocrinien qui l'oblige à mourir, à sécréter. Il y a plusieurs raisons qui amènent cela et on devra à un moment donné s'arranger pour éviter ça. Quand tu dis de moi un exemple, le problème qu'il y a, et j'en ai parlé un peu, puis on va revenir souvent dans les prochaines années sur ce phénomène-là, c'est qu'il y a des vieilles formes, c'est-à-dire qu'il y a des vers, comme ça ici, qui ont une forme particulière, et chaque fois que l'être humain veut faire quelque chose, ça vient s'imbriquer chez lui, c'est comme un programme, puis ça lui dit comment le faire. Ce sont des archétypes, des formes, des vieilles formes, des stéréotypes aussi, des formes collectives. Quand tu me dis, donne-moi un exemple, ou utopisons, hein? Donne-moi un exemple de parents qui vivent une relation, une synergie, donc une relation énergétique, sentimentique, qui n'ont pas émotive avec leurs enfants, et vice-versa, puis entre les enfants, entre les adultes. Il faut néotyper pour comprendre. C'est-à-dire que nous devons créer de nouvelles formes. Si je t'explique, tu vas toujours vouloir comprendre uniquement en fonction de ce que tu connais de la relation parent-enfant, enfant-enfant, parent-parent. C'est parce que alors que tu ne pourras jamais comprendre de cette façon-là parce que tu comprends à partir de l'émotivité. Mais c'est parce que je reviens à ce qu'on disait tantôt, comme ça arrive quelques secondes par année ou par jour pour les chanceux ou par semaine, que l'intelligence s'exprime purement, et puis que c'est l'ego qui contrôle notre corps, puis notre activité, puis notre journée à 99,9%. Je cherche à donner à l'ego une image de ce que ça pourrait donner si, tranquillement, il laissait passer les oui, mais c'est complexe énormément. Regarde ceci. Quand on prend un exemple que la majorité des adultes connaissent un peu, l'extase pendant une relation sexuelle. Ça dure de quelques millièmes de seconde à quelques secondes. Ça dépend des individus. À l'instant où c'est totalement là, eh bien, arrêtez-vous pour analyser, voir pourquoi c'est si bon. Je suis plus là. Et c'est ce que l'humain fait. Le corps physique de l'homme et de la femme n'est pas suffisamment solide pour entretenir ce genre de relation, donc d'extase énergétique, engendrée par la relation sexuelle. Plus longtemps, ils ne peuvent pas entretenir ça sur une heure ou deux. Ils sont plus là du tout. Le physique va carrément mourir. Trop de sécrétion endocrinienne en même temps que la circulation d'énergie. L'humain perçoit la circulation d'énergie et jouit de la sécrétion endocrinienne. Que l'humain se rappelle, mais voilà. Et lorsque l'humain a fini, par exemple, son extase, là, il arrête. Les corps physiques sont plus ou moins épuisés. Et c'est ça que l'humain apprécie. C'est là. C'est le moment d'après. Sur le moment où c'est rendu un point culminant, il ne sait pas grand-chose de cela. Quand ça diminue, là, il essaie de revenir immédiatement pour prendre conscience de la suite, de façon à s'en rappeler. Et là, il arrête. Hey, c'était bon, hein? Là, c'est juste la partie émotive, la partie mémorielle, il n'y a plus rien au niveau énergétique. Et là, l'ego va rechercher ce moment-là, et il sait qu'il ne peut l'avoir que s'il recommence la relation sexuelle. Mais il en perd toujours une partie de la relation sexuelle. Puis c'est ça ici qu'il veut avoir, la partie d'après. Alors, nécessairement, les relations post-sexuelles, post-relations sexuelles, sont normalement très écourtées chez les individus, hommes et femmes, pour la simple raison que, surtout pour la majorité d'entre eux, ce qui les intéresse, c'est l'après. Alors, une fois que l'homme, par exemple, a eu son éjaculation, etc., c'est fini, là. Laisse-le jouir. Il n'a plus besoin du corps de la femme. Laisse-le, il est bien. Il va même dormir, il va aller bon, il est parfait. Mais là, qu'on continue le même, toute la mise en pli avant, essaie de la poursuivre une heure après. Enfin, tu cherches plus longtemps sa planète. Rencontrer des humains qui peuvent arriver à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Lui, là, puis elle, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de nostalgiser. Ils se préparent psychologiquement à vivre la partie mémorielle récupératrice après. Alors, ils sont morts. Ils font des mémoires, ils font des zigouzis traditionnels. Il y en a qui vont même lire des livres, savoir comment faire mieux. Puis là, à la pointe où ils sont vivants, on oublie ça, puis après ça, on recommence. C'est un peu la même chose lorsque la femme ou l'homme ou les adultes, les enfants, etc., vivent une partie extraordinaire dans leur vie. L'émotion vient toute massacrer ça parce qu'il y a une partie, un virus chez l'homme et chez la femme qui est la mémoire, qui lui a besoin d'informations, de données. Non, là, la mémoire, on est prêt avec. Comment on fait pour s'en défaire? Comment on n'est pas pris avec, on est mal pris avec. Okay, on est mal pris, c'est encore pire. Ben, on est mal pris, c'est de l'émotion. Non. Non? Bien ou mal, tous ces mots-là, c'est pas émotionnel? Non, ça sert à l'émotivité, mais non. OK, parce qu'on est mal pris avec, on a la mémoire. C'est pire. C'est bon. Comment on fait pour s'en débarrasser? Si on veut vivre sans émotion, il faut se débarrasser de la mémoire, ou si on veut vivre sans mémoire, il faut se débarrasser de l'émotion? Bon, dans des conférences comme celle-ci, on parle de l'émotion, puis bon, comment les problèmes de l'émotion. Et ce que l'humain ne sait pas, ou plusieurs le savent, mais qu'on n'applique pas souvent, c'est qu'on pose une question. Bon, comment se débarrasser d'émotion, ou encore pourquoi il y a l'émotion? Toutes les questions doivent être continuellement posées d'une façon cosmique, c'est-à-dire exactement comme si tu savais pourquoi l'enfant doit-il aller à l'école. Ça, c'en est une bonne question, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Effectivement. Il faut que tu la poses cosmiquement. Et pourquoi l'humain doit apprendre sans cesse les choses qu'il sait déjà? Pourquoi c'est pas transmissible génétiquement? Pourquoi on vit sa planète? Pourquoi on vit tout court? Pourquoi c'est bon? Même chose au niveau de l'émotivité. Si on ne pense pas qu'il y a une raison intelligente sous-jacente au facteur de l'émotion, on ne pourra pas suppléer aux besoins inhérents de l'émotion dans l'évolution par quelque chose de moins problématique. Ben, il y en a une raison intelligente. Toute celle que tu as nommée au début, c'est cesser de vieillir, cesser d'avoir du stress, cesser de... Oui, pourquoi cesser de vieillir? Pourquoi cesser d'avoir du stress? Pourquoi cesser d'avoir des émotions? Pourquoi cesser de chialer? Ben, parce que ça serait plus agréable. Pourquoi faudrait que ce soit plus agréable? C'est moi qui se pose la question. Pourquoi faudrait que ce soit plus agréable? Parce que ça sert à rien d'être dans la merde si on peut être à côté. Ça mourrait pareil un jour? Ça ne me dérange pas. Au moins, le temps que j'aurai vécu, ça sera moins désagréable. Ça, c'est déjà une expression de l'intelligence. Effectivement. Mes 3 secondes par année. Ça va aller l'année prochaine, les 3 jours. Surtout qu'on est en début de l'année en plus, ça va mal là. Hein. Parce qu'effectivement, tant qu'à devoir vivre, tant qu'à devoir passer notre temps sur le plan planétaire, ben autant que ce soit le plus confortable possible. Certains vont dire, ben moi, j'aime autant me suicider tout de suite. Pas de problème, tu t'en vas dans le monde de la merde, dans le monde de la mort, c'est la même chose. Puis tu rappliques à un moment donné sa planète. Ça ne change pas grand-chose. Bon. Puis la personne qui y croit pas, ben qui y croit pas. C'est comme, il y a un camion qui fonce sur toi, oh, je ne crois pas. Paf, il est mort. Bon. C'est pas une question de croyance, ça marche, ça, c'est là. Bon. L'émotivité, je l'ai déjà expliqué, je réexplique quand même, c'est important qu'on voit bien la mécanique. Lorsque l'être humain vit de l'émotion, ça se passe dans son âme. Dans l'âme, l'âme est constituée comme le bocal ici, alors il y a des égaux, des morceaux de glace ici, et il y a une enveloppe. L'enveloppe, qui est un séraphin dans les religions, qui est une membrane périspritique, c'est une enveloppe d'énergie vitale qui constitue à même la structure atomique du corps physique. Je vais quand même passer les détails. Et cette enveloppe, elle sert... Tu m'en fais des émotions que tu peux même être affaibli. C'est toi qui émotivises pour rien. Bon. Ça, oui. De toute façon, fais 2 ans pas, ça tombera pas sur mon bord. Il n'y a aucun danger. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain perçoit quelque chose par le corps physique, par les cinq sens physiques et les 60 et quelques sens vitaliques, il y a une énergie qui arrive jusqu'à au périsprit. Ça frappe le périsprit comme mon doigt frappe, et l'eau bouge légèrement dedans. L'eau, c'est les mémoires. L'ego, c'est le bloc de glace. Quand on a un événement, l'événement s'en vient, il frappe ici, il s'en retourne. Mais en frappant, il crée une similitude à l'intérieur. L'expérience à l'intérieur de l'âme, c'est l'émotion. Mais cette émotion ici n'est pas connue de l'ego. Pour être connue de l'ego, elle doit être réexprimée. Donc, le périsprit continue à bouger. Par ce que j'appelle l'interpréteur actionnel, ce qui interprète la pensée en action physique, ça recontinue par le système interpréteur actionnel. Et là, dans ton système cérébral, dans le cerveau, en l'occurrence dans l'hypothalamus surtout, par les voies endocriniennes, ça va engendrer des dépolarisations qui vont engendrer des ordres qui vont obliger les glandes endocrines à sécréter des hormones. Tout ça pour dire que quand vous voyez quelque chose de beau, vous faites voir, puis il y a des apparitions, des mouvements corporels qui se font, qui sont endocriniens. Ils peuvent aussi être exocriniens, des larmes, des choses dans le genre. Maintenant, s'il y a des sécrétions endocriniennes, c'est qu'il y a un besoin corporel théoriquement. C'est que le corps physique, il est bâti de telle façon que si on prend une cellule de votre corps puis qu'on la met dans un milieu convenable, la cellule va se reproduire éternellement, à moins qu'on mette le feu là-dedans ou qu'il se passe quelque chose comme ça. Mais les cellules ne mourront jamais. Je reprends cette cellule, je prends un exemple. Dernièrement, il y a un jeune qui s'est ramassé à l'hôpital brûlé, assez brûlé. Chez l'enfant, ça se fait assez bien, alors on prend une partie de peau, on la place dans un milieu, puis on cultive sa peau. Quand la peau est rendue assez grande, on en ôte une partie, on prend la peau qui est rendue assez grande et on lui greffe. Bon. Et là, on continue comme ça. La peau qu'on a sortie, on peut la cultiver et on peut couvrir la planète avec. Mais la peau qu'on y greffe, elle va immédiatement recommencer le processus de mortification. Elle va s'adapter, ça va aller. L'enfant va devenir un adolescent, va devenir un adulte. Pendant que sa peau continue dans le laboratoire à couvrir d'autres blessés qu'on amène, lui rendu à 35 ans, sa peau va être flétrie, la peau va commencer à se dessécher, mais la peau de l'enfant qu'on a ramassé, le même bonhomme, la même bonne femme, avant, elle, si on continue à faire des cultures, il n'y a pas de problème, elle est toujours convenable. On ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il y aura trop de problèmes de rejet, on préfère prendre la peau débrûlée, comme ça c'est leur peau, ça va aller. Mais ça continue, comme ça, il n'y a aucun problème. Donc, on arrive là à une problématique, c'est que chaque cellule de votre corps placée ailleurs est éternelle. Placée chez vous, il y a quelque chose chez nous, en tout cas, qui va la tuer. Lorsque l'être humain a un corps physique, il a des hormones. Les hormones, ce sont des messagers. Lorsque l'enfant arrive à la phase pubertaire, il y a des messagers, le cerveau réagit à certaines choses, il y a des messagers hormonales qui partent. Et qui vont dire, eh bien voilà, les seins vont commencer à grandir, ça fait que toutes les cellules qui étaient là, qui ont toujours eu une croissance particulière, on change le plat. Maintenant, c'est en volume. Il y aura des glandes lactées qui vont apparaître là, lactifères, qui vont fabriquer du lait, il y aura, mais c'était pas là, maintenant ça va être là. Il y aura des pilosités qui n'étaient pas là, maintenant ça va être là. Chez l'homme, même chose, il y aura un paquet de changements physiques. Ce sont tous des ordres hormonaux. Et on en arrive à un moment donné où, ce que, toujours du point de vue hormonal, la femme un jour arrivera à la ménopause. Chaque fois qu'elle a une ovulation, certaines hormones s'en vont dire au cerveau une de plus. Puis le cerveau additionne, il garde les hormones. Rendu à un certain nombre de fois, c'est-à-dire quand le cerveau est plein de ces hormones, la femme arrive à sa ménopause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fini. Tu n'es plus bonne à reproduire, puis on va commencer le processus de vieillissement pour t'éliminer. Bon, l'homme, l'andropause, mais il vit aussi d'autres phénomènes. S'il a trop de relations sexuelles, à un moment donné, il y aura une problématique. S'il n'en a pas assez, il y aura une problématique aussi. Tout cela est hormonal. La problématique, c'est que si vous êtes attaqué, si on vous agresse, on vous fait peur, je te fais peur. Alors, tu auras une mydriase. Tes pupilles vont se dilater pour mieux voir les détails des dangers. Sécrétion endocrinienne. Il y aura stimulation cardiaque en force, en puissance. Il y aura stimulation musculaire, adrénergique. Il y aura sécrétion d'adrénaline, entre autres, de dopamine, de choses du genre. Il y aura plein de choses qui vont se passer pour te permettre de survivre. Mais là, ce qui arrive, c'est que vous êtes dans un cinéma, vous êtes à la maison en train de regarder la télévision, et puis on vous fait pas la même chose. Et c'est la même chose qui va se passer. Là, c'est de l'émotion. En avez-vous besoin? Non. Alors, vous êtes drogué aux hormones. C'est intéressant. Le cœur accélère, puis on y va, puis on bouge dedans, tu sais, puis totale sécurité. Plaisant. Et c'est ce qui arrive. Chaque fois que l'être humain vit de l'émotion, si l'émotion est bonne, sécrétion endocrinienne particulière, qui est reconnue comme plaisante par l'ego, mais encore là, c'est exactement comme si vous étiez agressé physiquement et vous réagissez en fonction. Mais il n'y a pas d'agression physique, donc vous réagissez trop pour rien. Chaque fois que l'être humain vit une émotion, il agresse totalement le corps physique, hormonalement. C'est exactement comme si vous vous dites, tiens, je vais manger plein d'énergie, là, subitement. Pourquoi? Parce que je regarde l'image qui me présente à la télévision. Tu te gâtes. Oui, mais antiquement, quand tu voyais un ours foncer sur toi, tu courais. Donc, c'était intelligent de manger de l'énergie. Là, l'ours, il fonce sur l'écran de télévision, là, sur le caméraman. Mais toi, tu n'auras pas besoin de courir. Mais ça te fait peur. Fait que tu manges plein d'énergie. Ben imaginez quel corps vous allez avoir à un moment donné, ça allait totalement le détruire. C'est la même chose. Mais il faudrait vivre sur une île déserte, puis encore, même pas grand-chose pour être capable. Non, tu sécréterais tout plein, t'ennuyant de toutes les choses qui pourraient te faire. Manuelet du vidéo, puis la télévision. Oui. Mais dans le monde dans lequel on est, là, vivre sans émotion, est-ce que c'est possible? Non. Mais on va changer un peu le monde. On peut vivre avec un peu moins d'émotion. Non. Mais on peut s'arranger pour que les émotions cessent de nous nuire, puis on peut progressivement transformer le phénomène émotif en facteur d'évolution qui va nous amener à se libérer de nos émotions, quel que soit le monde dans lequel on va vivre. C'est pas le monde dans lequel on vit qui est le problème. On n'est même plus capable d'observer un coucher de soleil sans triper dessus. Et c'est quand même pas à cause du coucher de soleil. Certains regardent la lune, puis ils ne voient rien. D'autres regardent la lune, puis ils sont là, puis le cœur le pompe, on voit donc. Et puis, c'est de la lune. Simplement quelques milliards de tonnes de blocs de pierre qui flottent comme ça, sans explication. Dans l'espace. Simplement, oui. Mais est-ce qu'on peut vivre en se servant des émotions pour arrêter de mourir ou pourquoi avons-nous des émotions? Ben, je reviens avec ta question de tantôt. Cosmiquement, ça sert à quoi, des émotions? À faire rire le bon Dieu? Il va mourir, il va avoir trop d'émotions. Il faiblit aussi. L'émotion, ça sert à renforcer. Servant à renforcer, ça sert à renforcer les corps physiques. Les corps physiques continuellement agressés par les facteurs émotifs, par votre intelligence. Qu'est-ce que ça sert? Chaque fois que l'émotion détruit votre corps physique, bien, l'intelligence qui s'exprime chez vous n'est pas frustrée, mais se heurte à un illogisme conceptuel, un illogisme par rapport à la conception même de la matrice dans laquelle elle s'exprime, le corps physique, et elle descend en essayant de s'arranger pour que ça ne fasse plus ça. Donc, elle s'arrange pour muter le corps physique. Elle mute le système neuronique, elle mute progressivement un système thalamien. Le thalamus, c'est par là que l'être humain voit les choses. C'est-à-dire que tous les sens sont amenés, amène l'information au thalamus, qui là va être colorée par les facteurs émotifs, avant d'être amenée au cortex, c'est là que l'intelligence commence à siéger, le mental entre autres. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence fabrique des anticorps? C'est que l'intelligence a toujours, des anti-hormones, l'intelligence a toujours une vision colorée émotivement de la réalité. Et comme notre mental, nous prenons des décisions émotivement, mais nous pouvons en prendre aussi mentalement, la problématique, c'est que le mental a toujours accès à l'information colorée par l'émotivité. Et l'intelligence aussi. Et c'est pourquoi il y a toujours un problème, c'est que l'intelligence va poser des questions absurdes comme celle de tout à l'heure. Pouvons-nous parvenir à vivre de telle ou telle façon dans un monde comme celui-ci? Mais tu ne connais même pas le monde comme celui-ci. C'est le monde vu à travers ton émotivité. Donc, parce que j'ai répondu non, pourquoi? C'est que dans cette vision-là, non. Mais sans changer le monde, oui. Alors, est-ce qu'on peut arrêter d'être émotif dans un monde où on est sollicité constamment à sécréter des hormones? Ah, absolument, ça ne regarde pas les publicitaires. Ça regarde quoi? Ça regarde ce que, tant que l'être humain n'aura pas une raison intelligente d'être là, tant que l'humain n'aura pas une raison intelligente d'avancer, d'évoluer, appelle ça comme tu voudras, tant que vous n'aurez pas une raison énergétique, je ne parle pas de raison spirituelle, je parle de raison intelligente, de raison logique. Exactement comme de dire, je ne sais pas pourquoi je vis, mais je vis. Bon. Tant qu'à vivre, je vais m'arranger pour me servir de la vie. M'en servir pourquoi? Bonne question. Donc, tant qu'à vivre, je vais essayer de m'arranger pour savoir pourquoi je vis. Ça, c'est une raison intelligente de fonctionner. C'est une raison logique aussi de fonctionner. Je n'ai pas besoin d'un Dieu qui me protège. Il y en a peut-être un. Il n'y en a peut-être pas, parce qu'en tout cas, il y en a plusieurs qui ne sont pas en contact avec le bon Dieu. Avec des questions comme ça, tu peux être des années sans réponse. Ça change quoi? Des siècles. Tu seras des années à vivre. Puis là, encore une fois, tu réponds archétypalement. N'ayant jamais essayé, au cas que ça fonctionnerait, l'humain a vécu dans l'émotion, dans le trip, qu'un jour, peut-être, il parviendra à savoir. C'est bien plus émotivisant d'espérer s'en sortir que de s'en sortir. Bon. Rejoindre Dieu, tu ne seras pas pendant 3 milliards d'années devant Dieu en disant « Wow! Wow! Wow! » À un moment donné, là, « Wow! » Tiens, un jeu vidéo, quelque chose pour ça le temps. Archétypalement, l'humain ne peut même pas comprendre ce que c'est que de parvenir à l'instantanéité. C'est comme juste dire à l'humain, prends n'importe quelle religion, n'importe laquelle. C'est vrai, prenons les religions catholiques, un jour, Jésus reviendra, il y aura la résurrection des morts, fait que ceux qui sont vivants, on va les faire là, on va les tuer. Ceux qui sont vivants, quand on va les faire là, on va les tuer, on va les résurrer, les ressusciter. Parce qu'on ne parle que des morts ressuscités, on ne parle pas des vivants. On va faire une résurrection des morts, 144 000 personnes, et vous serez à la droite du Père pour l'éternité. Archétypalement, il n'y a pas un catholique qui peut répondre à ma question. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas un. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Dans l'utopisation, à l'instant où tu t'approches d'un néotype, tu ne peux pas vouloir rentrer là-dedans avec les maudits archétypes. Qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez que c'est la perfection, que c'est la paix, tous vos problèmes disparaissent. Pac! Vous allez en inventer d'autres. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Pourquoi on va en inventer d'autres? Ben, c'est ça. Si l'humain n'est pas capable d'accepter d'abandonner sa vieille peau, ses vieilles traditions, ses vieilles mots, t'as dit de questions plates, pour pénétrer dans le néotype, dans l'utopie, dans quelque chose de neuf, qui est là? Qui est là, qui attend simplement de servir l'homme, la femme ou l'enfant? Et tu me parles encore, oui, mais tant que la société, il y a plusieurs mondes. Leur monde, leur gars, leur problème, c'est leur chose. Est-ce que présentement, toi, tu vis dans le monde de tout le monde? Es-tu assis présentement ici avec un joint dans la gueule? Non? Non. Voilà, tu ne vis pas. C'est bien de vérifier. Tu ne vis pas dans le même monde que tout le monde. Et on est toujours en train de se dire, oui, mais si la guerre éclate, tant mieux que la guerre éclate! Comment tant mieux? Ben, quand elle sera éclatée, elle ne pourra plus être là. C'est la paix qu'il ne faut pas qu'elle éclate. Que la guerre, elle, qu'elle éclate. C'est que l'humain est toujours en train de se convaincre qu'il vit dans le monde collectif des autres. Combien de personnes, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'ont jamais su qu'il y avait une guerre? Et cela, même en Europe, ils avaient des pâturages, ils n'ont jamais vu d'avions, ils n'ont jamais vu d'Allemands, jamais vu d'Anglais, jamais vu de chewing-gum américains. Ils n'ont jamais eu d'enfants américains. Ils n'ont pas eu de relations sexuelles avec les Américains. Il y en a eu plusieurs. On peut juste prendre l'exemple des bonnes femmes, des bonhommes, des enfants à Hiroshima ou à Nagasaki. Hein? Et la personne qui sort de son église après avoir prié, Bien, ceux qui priaient encore, puis ceux qui avaient prié étaient tous des squelettes en arrière d'elle. Donc, c'est pas une question de religion. Elle a vu un cheval se désintégrer jusqu'aux os, puis les os partir en poussière. Elle a vu des gens sur la rue disparaître, puis elle a vu leur photographie apparaître sur les murs. Elle a vu le soleil en plein milieu de la ville d'Hiroshima. Elle a tout vu. Puis là, elle a 60 quelques années, puis elle en parle. Elle a eu des mutations génétiques? Aucune. Des séquelles ionisées? Aucune. Est-ce qu'elle était là? Apparemment, oui. Même Hirohito, vous connaissez Hirohito, il est mort dernièrement. Il est mort d'émotion, il est mort de vieillesse. Le lendemain après l'explosion, il se promenait à pied dans la ville d'Hiroshima à se demander qu'est-ce qui s'était passé. C'est extrêmement radioactif. Puis il y a plusieurs soldats qui en sont morts. Hirohito, non. Pourquoi les autres n'ont pas été affectés? Parce qu'ils n'étaient pas dans... Ce n'était pas leur bombe. Ce n'était pas leur vraie guerre. Ce n'était pas leur problème. Mais parce qu'ils étaient suffisamment assujettis au collectivisme, ils ont été dans les ruines. Il y en a d'autres qui n'ont jamais vu de ruines, eux autres, bon, ça a bien été. Prends les Japonais, qu'on a découvert en 72, en 84, en 86 encore sur des îles, puis dernièrement encore quelques-uns qui sont rendus là. Il fallait absolument leur amener l'enregistrement d'Hirohito l'empereur, leur disant que la guerre était finie. 50 ans après, eux ont vécu une guerre plus longue. Ouais, chacun a eu son monde, chacun a eu sa guerre. C'est pourquoi tu ne peux pas essayer, on pose la question encore aux chrétiens, aux catholiques, aux musulmans, aux Krishna ou à n'importe quoi. Tu sais, demande au Krishna, quand Krishna va te ramasser par ta couette pour te sortir du monde de la vie, tu vas faire quoi? Eh bien, je vais être en extase. Oui, d'accord, mais combien de temps? Pour l'éternité. Puis tu vas faire quoi? Pour l'ego, le fait de répondre, rien. C'est comme de vouloir dire, ça va être plate en maudit. Fait qu'on va replonger sur la planète Terre, on va recréer une planète, on va recréer des guerres, on va recréer des façons, on va se recréer, on va se redonner des raisons émotives de s'en sortir. L'humain ne peut pas, on ne peut pas psychologiquement comprendre ce que c'est qu'un néotype, on ne peut pas psychologiquement comprendre ce que c'est que le sentiment, on ne peut pas psychologiquement comprendre ce que c'est que le véritable amour. On ne peut le comprendre que par l'intelligence. Et l'intelligence, vous en avez, parce que chaque fois qu'on a une vibration particulière de ce que ça devrait être, mais ça s'efface immédiatement sur l'impossibilité archétypale d'être, c'est-à-dire que ça devrait être de même. Puis là, tu fouilles dans ta mémoire pour voir si quelqu'un a déjà vécu ça. Si quelqu'un a déjà parlé, clairement. Mais non, les mots sont bâtis pour supporter l'illusion. Mais pourquoi on est fait de même? Ben, il n'y a pas de pourquoi on est fait de même. On est fait de même. Bon, on est fait de même, mais ça doit servir à quelque chose. Ça sert simplement, comme je te dis encore une fois... À part de faire rire le bon Dieu, là. Oui, ça fait en sorte que l'intelligence, lorsqu'elle descend chez toi pour essayer de préserver l'intégrité de ton corps physique, elle mute certains récepteurs spécifiques, parties du corps qui réagissent aux hormones, elle mute progressivement la structure hormonale, donc l'hypothalamus entre autres, elle place un ajusteur de pensée, c'est-à-dire qu'elle mute le système thalamien qui va rectifier les visions émotivisées que tu as de ce que tu appelles la réalité pour te donner une version plus claire et plus limpide de la réalité, donc la décolorer de l'émotion. Mais ça, c'est fait par les émotions. Ça, c'est pas fait par les émotions, c'est que l'émotion doit... C'est par la réaction entre l'émotion et l'intelligence. C'est ça. Mais l'émotion, on ne veut pas faire ça, mais c'est ce que ça va donner. L'avantage qu'il y a, c'est que si on est capable, à un moment donné, de trouver, de se donner, mais de trouver, d'accepter mentalement, pas émotivement, de se trouver une raison intelligente d'être là, ça donne un bon gros coup de pouce à notre vie. Quelle est la raison intelligente de travailler? Hein, faire de l'argent, faut bien vivre. Quelle est la raison intelligente d'avoir des enfants ou d'avoir une famille ou d'être en couple? Hein, c'est pas partager notre corps, disons partager le loyer. Mais l'humain n'a pas de raison néotypée. L'humain n'est pas encore capable, dans l'intelligence, de trouver de vraies raisons valables. Et c'est pourquoi l'humain est toujours en train de se dire, ben oui, mais là, si on n'est pas ensemble émotivement, plus de raison de qu'on soit ensemble, si tu ne peux plus vivre émotivement avec tes enfants, qu'est-ce que tu n'as à foutre d'avoir des enfants dans la maison? Mais chercher une raison intelligente à tout ça, là, au mariage, aux enfants, à la vie, au travail... C'est facile. C'est peut-être facile, c'est pas prendre du temps. C'est pas facile. Mais oui, c'est facile de chercher une raison. Chercher une raison, oui. À trouver une, ça peut être plus difficile. C'est autre chose. C'est pas Est-ce que c'est compliqué. Nécessairement... Non, c'est pas compliqué. Explique-moi ça, comment tu fais ça. Tu te poses des questions physiquement? Là, même pas. On le sait déjà. Ben, sauf qu'on essaie de l'expliquer à travers les vieilles raisons traditionnelles. Si on demandait à n'importe qui, c'est quoi la raison intelligente de la vie? Je sens en bas âge. Les plus jeunes enfants, puis ils achètent avec des questions plates. Mais c'est ça. Ils ont tellement la réponse qu'elle fusionnait la question. Un peu plus âgé, tu te reposes la question, ben, tu regardes avec un grand sourire, puis tu te dis, ben, pour jouer. Continue à jouer. C'est bien rare qu'ils vont dire pas aller à l'école. Bon. Et plus tu vas aller chercher dans l'âgé, plus ils ont de la mémoire, plus ils ont vécu de l'émotion, plus ils ont subi nos efforts de pédagogie, théologique, sociale, morale et scolaire. Plus ils ont vécu cela, plus ils vont être mal pris comme tu l'es. À être capable de trouver une réponse. On vibre des choses, on ne peut rien faire avec. Ben justement, ce que l'on vibre, c'est l'intelligence. La réponse, elle est là-dedans. Sauf que l'être humain ne fait pas confiance à ce qui l'habite. Premièrement, regardez ceci. J'ai déjà expliqué que lorsque l'intelligence mentale intervenait chez l'humain, ça ne se faisait pas émotivement. Autrement dit, tu t'en vas quelque part, là, et puis tu as trois chemins. Tu regardes les trois chemins, tu ne sais pas où aller. Tu n'as aucune idée de quel chemin prendre. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu en prends un des trois. Tu t'en vas. C'est tellement plus simple. L'humain émotif ne fait pas ça. L'humain émotif, il commence immédiatement à se dire, oui, mais là, si je me trompe de chemin. Bon, as-tu des façons de ne pas te tromper? Mais non, justement. Prenons n'importe lequel. Ah oui, mais si je me trompe. Bon, arrête, passe-toi là, puis commence à méditer. Pile ou face, ça va mal, trois chemins. Surtout que tu fais, si c'est pile, je prends celui-là. Pile. Deux dans trois, on recommence. Ben, encore pile. Ouais, mais c'est pas bon, un truc de même. Mais c'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous le savez, le chemin que vous devez prendre. Puis quand la pièce ne vous le confirme pas, c'est une niaiseuse, ce genre de truc-là. On le sait. Et puis là, tu mais te si dis... Mais si on le sait, puis que ça veut pas sortir... On le vibre. Comment tu fais pour le faire sortir, pour le faire s'exprimer, pour le comprendre, pour le voir, pour le sentir? Parce que l'humain est toujours en train d'attendre que sa vibration devienne endocrinienne, que sa vibration devienne émotive. Alors là, il recommence. Il faut que tu le sentes dans tes tripes. Ben, c'est ça. Il faut que ton péristaltisme intestinal commence à bouger. Suite à des ordres endocriniennes et parasympathiques, donner tes muscles lisses des intestins. Mais l'intelligence, c'est pas comme ça que ça s'exprime. Mais non, c'est tu vas encore te faire justement d'en face avec ton système de tripes et d'intestin. Regarde ce qui arrive. Tu as placé sur ton chemin la personne qui n'a pas su continuer. Elle arrête. Premièrement, les barbites. Oui, mais si je pense à de même, c'est comme si je me laissais diriger par les événements. Bon, arrête là, puis attends. Ah, mais j'ai vu l'oiseau passer par là, puis c'est un signe. C'est ça. Tu te laisses diriger par la même maudite chair. Sauf que là, c'est émotivement que tu y vas. Là, tu suis un oiseau. Ou bien ça va être... ici, c'est bien pavé, ici, c'est moins bien pavé, puis ici, c'est très bien pavé. Là, tu essaies de te trouver des raisons mentales, des raisons logiques, uniquement pour être capable de supporter la vibration que tu avais. Puis là, tu te dis, c'est très, très bien pavé, mais c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Voilà. Ta vibration, ça sert à rien, encore une fois. L'humain le sait. L'humain sait quoi manger. Quand l'humain fouille dans le sac de dans le gros tas de piment au magasin, là, il sait que c'est ce piment-là qu'il doit prendre. Mais ce piment-là, il y a une tache dessus. Fait que là, il prend le piment qui n'a pas de tache dessus. qui n'a pas la même valeur alimentaire que l'autre là-bas. Mais celui-là, c'est l'archétype. Il prend celui-là. Et c'est comme lui-même qui prend du pain blanc. Le pain blanc, blanc, c'est peu. Du sucre blanc, c'est peu. Tout ce qui est blanc, c'est peu. C'est pure connerie. Mais comment tu fais pour la santé? Comment tu fais pour la laisser s'exprimer, la vibration de la raison intelligente ou du vrai chemin à prendre? Premièrement, ce que lui... Reviens avec ton exemple de trois chemins. Là, est-ce qu'il faut que j'arrête pas? Je passe tout droit puis je prends celui, le premier qui est... Ah oui? Bon, puis là, je poserai pas la question si je me trompe. Tu prends n'importe quel citron de toute façon, probablement que tu n'as pas d'affaire là. Tous les choix que vous faites dans votre vie, tous les choix que tu as faits dans ta vie, les as-tu fait en connaissance de cause? Non, je veux dire. Y en a-tu un que tu as fait en connaissance de cause? Non. Aucun. Je fais des choix dans la vie? Non. Aucun. Pas un humain, sa planète. J'ai toujours pensé que j'avais... Oui, mais en perds-tu du temps à s'écraser pour essayer de faire un choix en connaissance de cause? Oui. Puis lui, il va dire, oui, mais un instant, il faut quand même être logique. Ben justement, au minimum, si on serait logique, on est émotif. Émotivo-logique, des fois. La logique doit venir supporter notre désir émotif. Pourquoi tu as pris cette maudite automobile-là? Ah ben, c'est parce qu'elle va avoir une grosse valeur marchande dans 2 ans. C'est parce que tu es tombé en amour avec. C'est pas parce qu'elle va avoir une valeur marchande dans 2 ans. Dans 2 ans, elle n'aura plus, justement. C'est les 2 premières années que ça se dévalue. Va aller la semaine prochaine. Tu vas avoir une bonne valeur pour. À top 3000 pareil. On se trouve une raison logique après l'émotion. L'humain, bon, de toute façon, on va revenir, on n'a pas eu le temps de tout jaser. Tu ne parles pas assez vite. L'humain vit que de l'émotivité uniquement parce que tout le passé est basé sur de la mémoire. Et nécessairement, ça fait qu'il y a plusieurs questions qu'on va se poser, que jamais on n'aura de réponse. Puis quand tu dis ça va être là, on va qu'on trouve la réponse, uniquement parce qu'on la cherche émotivement. Qu'est-ce qu'on fait sur la planète Terre? Ah, il vous faut une réponse que vous allez aimer. Et là, c'est effectivement, tu vas chercher longtemps la réponse. C'est une réponse neutre, que tu ne détesteras pas et que tu n'aimeras pas. Si ce n'est pas une réponse qui va te faire accélérer le cœur, qui va te faire digérer plus vite, c'est ça que tu veux comme réponse. Tu vas chercher longtemps. La majorité des réponses à tout ce que l'humain se pose sont des réponses néotypales. Ce sont des réponses énergétiques. Ce ne sont pas des réponses émotives. Dans le passé, on les a prédigérées pour les donner en pâture émotive à l'homme. C'est que j'avais une question facile pour la pause de 15 minutes.